ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني وإياكم منها. أما بعد، دابور سي لي غنسي لي فخير أبو طلحة بور لانفيتاسيون في لافيت ce soir. Et donc on a préparé un petit bas, c'est pas un bas complet, mais c'est un résumé. Et Inch'Allah, j'espère qu'on en profitera pour les frères qui sont mariés, pour les pères et les mères, pour ceux qui ont des enfants, et pour ceux qui n'en ont pas, et qui seront Inch'Allah futurs pères ou futures mères. Donc ce bas qu'on a préparé, on l'a intitulé « Al-Qawl al-Mufid fi Tarbiyat al-Awlad », la parole profitable concernant l'éducation des enfants. أولا الأولاد أمانة في أعناق الوالدين والوالدان مسؤولان عن تلك الأمانة والتقصير في تربية الأولاد خلل واضح وخطأ فادح وخيانة للأمانة ونقص في الديانة. البيت هو المدرسة الأولى للأولاد، والبيت هو اللبنة التي يتكون من أمثالها بناء المجتمع. وفي الأسرة الكريمة الراشدة التي تقوم على حماية حدود الله وحفظ شريعته وعلى دعائم المحبة والمودة والرحمة والإيثار والتعاون والتقوى، ينشأ رجال الأمة ونساؤها وقادتها وعظماؤها. والولد قبل أن تربيه المدرسة والمجتمع يربيه البيت والأسرة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. سورة النساء آيات 58. Allah subhanahu wa ta'ala ici dit dans ce verset: Dieu vous ordonne de restituer les dépôts à leurs ayants droit. وفي آية أخرى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. سورة الأنفال آيات 27. Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Dieu et le messager, et ne trahissez pas vos dépôts en pleine conscience de ce que vous faites. ويقول في آية أخرى من سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أو هو كي أذكري mettez-vous vous et les vôtres à l'abri d'un feu ayant pour combustible les humains et les pierres. Donc le verset qu'on a préparé ce soir, il va tourner sur ce petit texte qu'on a préparé. Donc on va essayer de traduire et d'expliquer. On a dit que l'aulad, les enfants, c'est un dépôt que Allah subhanahu wa ta'ala a confié aux parents. Et les parents sont responsables de ce dépôt. Donc de négliger l'éducation des enfants, c'est une grosse erreur. Et c'est une trahison dans le dépôt que Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié. Et c'est un manque dans la religion, dans la piété, dans la foi. البيت هو المدرسة الأولى. Donc la première école pour l'enfant, c'est la maison. Et la maison, c'est de là que la première brique sortira pour former ou construire la société. وتقوم على حماية حدود الله. Ici, حماية حدود الله, on comprend ne pas transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à la communauté. وحفظ شريعته et l'observation de la loi divine avec amour, avec miséricorde. Avec l'ithar. L'ithar, ici on appellera l'ithar par l'amour des autres avant soi-même. L'exclusivité. On traduit par l'exclusivité. Avec le ta'awun, l'entraide mutuelle. Ou le taqwa, la piété. Avec tous ces éléments-là, yanshaoul rijalul umma wa nisa'uha. Alors de là sortent les hommes et les femmes, wa qadatuha wa udama'uha. Grands hommes et les puissants, les chefs, les gouvernants. يخرجون من هذا البيت ومن تلك الأسرة النبيلة. On parle aussi souvent de la piété filiale, c'est-à-dire de l'enfant envers ses parents. Mais moins souvent du droit des enfants sur leurs parents. Il faut donc savoir que ce droit commence avant sa naissance. On parle toujours, on dit oui, les enfants doivent obéir aux parents, mais jamais on parle du contraire. On ne parle pas du droit des enfants vers les parents. Et donc ce premier droit commence avant sa naissance. Avant même qu'il naisse, là, il a un droit à cet enfant sur soi. Il a un droit. Ainsi, le père doit bien choisir la mère de son futur enfant, comme nous le verrons plus loin. Il est obligé de lui conférer un bon nom et de le circoncire si c'est un garçon et surtout de lui donner une bonne éducation religieuse. Ainsi, on comprend que la bonne éducation est un ordre divin. Le verset que l'on a lu, « Ya ayyuha alladhina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. » Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, mettez-vous, vous et les vôtres, c'est-à-dire vos familles, à l'abri d'un feu ayant pour combustible les humains et les pierres. Et si l'on faillit à ce devoir pour nos enfants, c'est toute la communauté qui sera fournie à la racine. Si les enfants ne sont pas éduqués, la société, c'est les futures générations qui vont venir, en bas elle sera pourri à la racine. D'ailleurs, la première recommandation qu'a faite Luqman à son fils est la suivante. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِدُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Ici, Luqman, en faisant la morale à son fils, et par le biais de ce verset, on peut comprendre que le terme bunayya, c'est pour dire que c'est un petit enfant. Un petit enfant, 8-9 ans, il lui fait la morale. En lui disant, mon petit, n'associe rien à Allah, car l'associalisme est vraiment une injustice énorme. Donc la première des choses que l'on doit éduquer à nos enfants, c'est at-tawhid. At-tawhid al-rububiyya. والتوحيد الألوهية والتوحيد بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هي كل هذه الشيء. On doit apprendre à nos enfants qui est Allah. Ne serait-ce que par des gestes. Quand il est tout petit, l'enfant, tu lui dis qui c'est qui t'a donné la bouche, qui t'a donné le nez, qui t'a donné ses yeux, qui t'a donné ses oreilles. En expliquant, c'est Allah. C'est Allah qui t'a donné ces choses-là. À lui apprendre, alhamdulillah, bismillah, même s'il ne comprend pas quand il est petit, mais il les enregistre. Donc, c'est dans ce qu'on comprend ici de ce verset, que le tawhid et l'interdiction du shirk sont les premières recommandations. Pour moi, au verset 17, Luqman continue en disant Ya Bunayya, aqim as-salah. Voilà, on a enseigné le tawhid aux enfants. C'est une bonne aqida. On a enseigné qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on lui enseigne après? As-salah. كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمسين الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة لكن في الإسلام كنت من قبل السنس كما البروفيس صلى الله عليه وسلم la prestation, la profession de soi et les deux infiliers l'accomplissement de la prière donc ici Luqman dit à son fils يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور مو بسي خاتك سيبني زمان السيجار خاتك لبيان vraiment unanimement reconnu et prescrit ce qui est avant et proscrit ici donc c'est interdit ce qui est réprouvé et endure ce qui s'arrive avec patience c'est la première marque de caractère c'est ça Ici, Luqman apprend à son fils la valeur de la prière. Et lui demande de la pratiquer scrupuleusement, correctement, bi arkaniha, wa bi fara'idiha, wa bi sunaniha, wa mustahabbatiha. Pas juste la prière comme le coq, ça la publique. Allah, Allah, ta ta ta ta, salam alaykum, salam alaykum. Non, une prière correcte. Tu es devant Allah, subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où tu as dit Allah ou Akbar, d'accord avec la salade. Ou à Allah, c'est une la kalem, c'est une kuntala tara, c'est une la huyarat. Si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. De plus, ce verset nous donne d'autres enseignements de la part de l'Othman. Donc, on a Luqman ici apprend à son fils la valeur de la prière en lui demandant de la pratiquer scrupuleusement. Puis, lui forme le caractère en lui demandant d'appliquer le bien. Il le forge. Parce que le petit, c'est une pâte à modeler. Le petit, c'est une pâte à modeler. Est-ce que tu vas lui donner? Eh bien, c'est ce qu'il va sortir. C'est ce qu'il va redonner. Tu lui donnes une chose, il va te la redonner. Comme tu lui as enseigné. Et de proscrire le mal, et surtout la patience. Car Allah dit, يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ فَعْلَيْهِ أَنْ يَنْقَدِرَ الْبَلَى Celui qui proscrit le bien et qui interdit le mal, il faut qu'il s'attende à l'épreuve. Il faut qu'il s'attende à l'épreuve. Et on a des exemples dans le Coran. On a des exemples dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a des exemples dans la vie des compagnons. On a des exemples dans la vie des tabi'in. On a des exemples dans la vie des ulama, on a des exemples dans la vie des du'at. Il y a un celui qui veut réfléchir et qui veut prendre l'exemple. Donc ça, c'est différentes épreuves de la vie. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كلكم ra'in wa كلكم mas'oulun an ra'ayatih fal imam ra'in wa mas'oulun an ra'ayatih wal rajul ra'in fi ahlihi وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته حديث متفق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يدي chacun de vous est responsable et chacun sera questionné sur ce qui dépend de lui le chef de l'exécutif est responsable et sera questionné sur ce sujet Le mari est responsable et sera questionné sur sa famille et ses enfants, et sera questionné sur ce sujet. Et la femme est responsable et sera questionnée sur ce sujet, ici ses enfants. Et le serviteur envers son maître. En résumé, nous dirons que les enfants sont pour nous une amana, un dépôt. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit, dans les versets que nous avons lus, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرْكُمْ أَنْ تُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا Ce verset ici, Allah nous dit, Dieu vous ordonne de restituer les dépôts à leur ayant droit. Et qu'est-ce qu'on comprend ici? Les dépôts, ils sont au pluriel. Donc, l'idée de l'amanat, c'est un dépôt que Allah nous a confié. c'est un détour. لله ما أعطى ولله ما أخذ. Allah a attention ce qu'il donne et Allah a attention ce qu'il reprend. Mais tu as une responsabilité. Cette responsabilité, c'est l'éducation. Et cette nana-là, elle nous entraîne de la responsabilité devant Allah. Comme on a lu le hadith. Et que si on faillit ou néglige à notre devoir, c'est-à-dire ici de père ou de mère, il faudra en retirer deux conséquences. Pas plus. La première, c'est que ce seront les autres qui s'en chargeront. Si toi tu ne t'occupes pas de ton enfant, c'est les autres. Et si c'est ce qu'on vit, la société du pays où tu vis. Si toi tu ne t'occupes pas de tes enfants, il viendra quelqu'un qui va s'occuper de tes enfants, là-bas, l'assistance. Et alors, on a un très beau vers poétique qui dit « Man ra'a ghanaman fi ardin masba'atin wa nama anha tawalla ra'yaha al-fasadu » Ici, ce vers poétique est très beau qui dit « Celui qui a amené peut-être ses moutons dans une terre masba'atin » Masba'atin, c'est dans une terre où il y a ses rempli de faux. وَنَامَ عَنْهَا Et s'est endormi, il a laissé peut-être ses moutons tout seul. تَوَلَّا رَعْيَهَا الْأَسَدُ Qui c'est qui va commander donc maintenant ses moutons? C'est le lion. Ici, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que si toi tu ne n'éduques pas ton enfant, il y a quelqu'un qui va venir éduquer ton enfant. Et si tu ne l'éduques pas dans l'islam, on va te l'éduquer dans le kufr, dans la mécréance. Surtout par rapport à l'endroit où nous vivons, bien sûr. Le deuxième cas, c'est que l'on sera puni pour avoir négligé l'éducation de nos enfants. Voir le verset. Ya ayyuha alladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum wal awlad min al-ahl. Nara wa qudaha an-nas wal hijara. Vous qui avez cru. Ça fait dans la production. Ô vous qui avez cru, mettez-vous vous et les vôtres à l'abri d'un feu ayant pour combustible les humains et les pierres. Une mise en garde. Bon, évidemment, nous savons tous que c'est au sein de la famille que se développent les enfants. La première école, on a dit, c'est dans la famille, à la maison, que se développent les enfants. C'est pourquoi les relations à l'intérieur du couple doivent être harmonieuses. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, نحن نقول لهم في القرآن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله سبحانه وتعالى ici dans ce verset qu'est-ce qu'il nous dit qu'est-ce qu'il nous enseigne et parmi ces signes il a créé de vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles Et il a rétabli entre vous intimité et tendresse. Intimité et tendresse. Et il y a en cela des preuves ou des signes pour les gens qui réfléchissent. Donc les premiers droits de l'enfant sur ses parents sont comme l'a très bien indiqué, remarque, il ne sera pas bravé à l'anou, quand il dit l'enfant a des droits sur les parents. Que celui-ci choisisse bien son géniteur, père ou mère, qui lui donne un bon prénom et qui lui apprend la parole de Dieu. Ici, kalimat al-tawhid, la ilaha illallah. Il va sans dire que lorsque l'on parle des enfants, il s'agit bien évidemment des filles comme des garçons. Il ne faut pas donner plus d'importance aux garçons qu'aux filles, ou réciproque plus d'importance aux filles que les garçons. Mais en général, c'est toujours le contraire. On a toujours plus d'importance. Ah, j'ai un garçon, machallah, rajul. Ah, j'ai une fille, mais on va le voir, on va en parler. Même si cela semble logique pour certains, vous n'êtes pas sans savoir que dans certaines sociétés, même de tradition musulmane, la naissance d'une fille est vécue comme malheur, voire comme un déshonneur. Et ça, on peut en parler. Dans certains bleds, quand c'est une fille qui naît, tu vois la tête des pères, comme si c'était le malheur de la terre qui était fondée sur son dos. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit ? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. من سورة النحل verset 59. Lorsque l'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit, tandis qu'il refoule son chagrin, tu vois, il est triste, comme s'il avait perdu les membres de sa famille. Il se cache des gens par honte de cette mauvaise nouvelle. Il se cache. J'ai une fille, j'ai honte. Il se cache. Va-t-il garder cette chose avilissante ou va-t-il l'enterrer vivante? Problème. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran combien est mauvais leur façon de juger. Toutes ces pratiques d'enterrer vivantes les petites filles ou encore d'accueillir leur naissance comme un mauvais choix sont interdites par l'islam. Ainsi, le même amour doit être prodigué aux filles comme aux garçons. Et pour preuve, ce hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu. قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كله؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. Hadith al-Muttafaq alayhi. Ici, ce hadith qui est rapporté par Nu'man ibn Bashir, il a dit que mon père m'a donné une partie de ses biens. Faqalat ummi, ma mère n'était pas contente de ce partage. La arda hatta tushhida Rasulallah. Je ne suis pas satisfait de ce partage jusqu'à ce que le prophète en fait vienne en témoigner. Fantalaqa abi ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, mon père, Nu'man ibn Bashir parle, mon père est allé chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il témoigne de ses partages. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا حَضَرَ إِلَى الْبَيْتِ. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَالِدِكَ كُلِّهِمْ. Est-ce que tu as fait ça avec tous tes enfants? قَالَ لَا. Il a dit non. قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ. Craignez Dieu et soyez équitables envers vos enfants. Ils sont tous semblables. Ils sortent tous du même moule. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre ou qui est différent de l'autre. Ils sortent tous du même moule. On a rapporté d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie d'un homme lorsque le fils de celui-ci est venu près d'eux. Il l'embrassa et l'asseyait sur ses genoux. Sa fille et ensuite arrivé, mais l'homme l'a assis simplement à côté de lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit le remarque en lui disant, tu n'as vraiment pas été juste. Ben, ça va, Hada ibn Wahhab ibn, ça fait un garçon, ça fait une fille indifférente. Une autre parole sage, allant dans ce sens, qu'il a, ça fait vous le banati, va y arfa, ça vous le banati. وهن الأخوات وهن الزوجات وهن الأمهات وهن كما قال أحد السلف هن نصف المجتمع ويلدن نصف الآخر فهن المجتمع بكامله. Ce sont les filles, ce sont les sœurs, ce sont les femmes, ce sont les mères. Ce sont, comme a dit un sage, la moitié de la société et elles mettent au monde l'autre moitié. Donc, elle représente la totalité de la société. Les femmes, ce sont la moitié de la société. Et elles mettent au monde l'autre moitié. Donc, elles représentent la société en totalité. قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Et des gens ils vont te dire, en France ça dure ce verset, ah moi je vous défie. Il y en a d'autres qui vont dire, ah moi je veux des garçons. Il y en a d'autres qui vont dire, moi je veux les deux. Et Allah, il donne à qui il veut les filles, à qui il veut les garçons, et à qui il veut le plus stérile. Il va lui donner ni filles ni garçons. Une épreuve. Ah non, non, moi je veux pas de filles, je veux pas de filles, tu auras ni filles ni garçons maintenant. Il y en a, ils pleurent jusqu'à présent, on les connaît. Ils pleurent. Ils disent, c'est pas grave, Hadbar, donne. Ce qui vient, on accepte. Bon, désolé, ils sont en train de faire des examens pour essayer d'avoir des enfants. Oui. Ici, Allah se parle à Allah. Donc, je me dis dans ce verset, à Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il donne à qui il veut des filles et il donne à qui il veut des garçons. Ou bien, il donne à la fois des garçons et des filles. Et il rend stérile qui il veut. Il est infiniment sachant et capable. Allah subhanahu wa ta'ala, toi ce qu'il veut. Tu t'es voué à Allah, tu t'es donné à Allah, corps et âme et bien. Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Ça y est, tu n'as pas à reprocher. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime toi ce qu'il veut. Ce qu'il veut, de tes biens, de ton corps, de tes enfants. Allah il te donne des enfants, il le ressent, il a décidé. Allah il te fait riche un jour, tu t'es faillite, il a décidé. Allah il t'enlève ton père, ta mère, il a décidé. Tu fais un accident, tu es handicapé, Allah il a décidé. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et n'a pas de motiva, qala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il te rajoute. يصبر وهذا خير له. Ce parenthèse étant refermé, nous allons voir maintenant comment, à la lumière du Coran et de la Sunna, éduquer son enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, nous apprend que les parents qui en sont un juif, un chrétien ou un masbéen. On a bien un adorateur du feu, le Najus. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kullu mawloudin yuladu ala al-fitra, fa'adawahu yuhawidanihi, aw yunasranihi, aw yunajisanihi. Rawah al-Bukhari, en muslim. Bien que ce hadith-là, il est rapporté sous différentes versions. On comprend donc ici l'enjeu de l'éducation, et on comprend mieux alors la responsabilité des parents. Ainsi Allah, subhanahu wa ta'ala, est très juste lorsqu'il déclare les parents responsables de leur enfant et qu'il y a une punition s'il néglige leur éducation, car l'enfant naissant, c'est comme une feuille blanche. C'est une feuille blanche, c'est toi qui écris ce que tu veux dans ce feu. Et tu ne seras responsable que de ce que tu as écrit. Si tu as écrit des bonnes paroles, on ira sur cette feuille blanche des bonnes paroles. Si tu as écrit des mauvaises paroles, on ira sur cette feuille blanche que des mauvaises paroles. Et Allah, dans son équité, ne peut en vouloir à l'enfant. C'est de la faute de l'enfant. Tant qu'il n'est pas responsable. Tant qu'il n'est pas responsable. Donc, on ne peut pas en vouloir à l'enfant d'être mal éduqué, mais bel et bien aux parents qui auront fait n'importe quoi dans cette amana ou dépôt confié par Allah. Ainsi, on trouve dans un vers poétique, la mère est une institution. Quand tu la prépares, en vérité, tu te prépares un peuple aux racines saines. Avant d'éduquer ton enfant, éduque ta femme. Quand on parle d'éducation à sa femme, allamha, al-tawhid, al-aqida, allati tassiru alayha, la bonne croyance avec laquelle elle va maintenant suivre le chemin de la vie. Enseigné après le minhaj, le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et que les plus prédécesseurs nous ont transmis. Enseigné avant de penser à avoir les enfants. Apprends-lui le savoir, la patience. Apprends-lui le tahammul, l'endurance. Apprends-lui les bons traits de caractère. Apprends-lui la noblesse. Apprends-lui le halal, la douceur, l'affection. car ça, elle va le transmettre à tes enfants. Ça va le transmettre à tes enfants. Mais si tu n'éduques pas ta femme, et ta femme n'est pas éduquée, ben, qui c'est qui va éduquer tes enfants? C'est toi. Toi, tu es toujours à l'extérieur, toujours en vadrouille, au boulot, au travail, à la mosquée, chez des invitations, chez des frères, des oraux, ceci, cela. Qui c'est qui va s'occuper de tes enfants? C'est ta femme. C'est elle qui est à longueur de journée avec les enfants. Alors donne une bonne éducation à ta femme pour que cette éducation soit transmise à tes enfants. Ainsi donc, que ce qu'on comprend, l'instruction de la mère ne doit pas être négligée. Car l'enfant, surtout dans son plus jeune âge, se retrouve pratiquement le plus clair de son temps qu'avec elle. Et comme on ne peut donner plus que ce que l'on a apporté, cela risque d'être restreint. Si tu as apporté un petit peu, ben, la mère de tes enfants va donner un petit peu. Si tu as apporté beaucoup, la mère a donné beaucoup. Et les fruits, ce n'est pas tout de suite que tu vas les récolter. C'est une fois qu'il sera mûr. Une fois qu'il sera mûr. Qu'il sera à l'âge de la puberté, qu'il commencera à développer, à comprendre les choses. Là, tu verras l'effet de ton éducation, si ça a apporté ou pas. Et ceci est encore plus valable par les pères, car rappelons le hadith, le mari est responsable et sera questionné sur sa famille. Donc ici, qu'est-ce qu'on comprend? La femme et ses enfants. Et non pas le contraire, la femme elle est responsable que de ses enfants. Elle n'est pas responsable du mari. La femme n'est pas responsable du mari. Mais le mari est responsable de sa femme. Ici, on entend la femme et ses enfants. Quant à la femme, ici, on comprend ses enfants. Elle n'a donc pas de responsabilité envers le mari. Donc, bien sûr, quand on dit qu'elle n'a pas de responsabilité, c'est pas elle se marie avec quelqu'un qui fait pas la prière et puis qui est toujours ivre ou toujours dans les cafés, dans les bars et tout cela. Et elle, c'est une femme musulmane, elle fait la prière, elle essaie d'éduquer ses enfants selon la charia. Alors, ça va pas rester non plus, ça c'est une responsabilité que de rester avec un mari pareil. Dans un autre vers, le poète dit ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه دليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلفت أو أبا مشغولا. Qu'est-ce qu'il veut dire ce poétique? En vérité, l'orphelin n'est pas celui dont les parents sont morts, le laissant seul au monde. C'est pas lui le yatim. L'orphelin, c'est celui qui a une mère qui le néglige et un père trop occupé qui ne s'en occupe guère. La mère, elle ne s'occupe pas de ses enfants et le père, il ne s'occupe pas de ses enfants. Mais comme cela, on sera en vérité, l'orphelin n'est pas celui dont les parents se sont morts, le laissant seul au monde. L'orphelin, c'est celui qui a une mère qui le néglige ou un père trop occupé pour pouvoir s'en occuper. Ils s'en soucient guère. هنا ولا هنا صعب ولا تحركت l'enfant il est là, il est pas là, il lui manque quelque chose, il lui manque ça, il a besoin de l'affection du père, il a pas besoin, on dit pas, il s'en fout. Et c'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: un parent ne peut rien l'aider de mieux à son enfant qu'une bonne éducation. Hadith rapporté par Ibn Majah. Et il dit aussi dans un autre hadith: honorez vos enfants en accordant une bonne éducation, toujours apportée par Ibn Majah. Mais comment s'y prendre pour éduquer son enfant? Comment on s'y prend? En bas, Ali ibn Abi Talib radhi anhu, il va nous répondre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ton enfant joue avec lui pendant ses 7 premières années. Tu éduques-le les 7 années suivantes. Donc de 0 à 7 ans tu vas avec lui, de 7 à 14 ans tu l'éduques, ensuite fais-en un compagnon durant les 7 autres années. Les 7 autres années tu en fais quoi? Un compagnon, un ami, un confident de 14 à 21 ans. Et après cela, laisse-le agir à sa vie. Regarde le bon conseil. Regarde le bon conseil. Mais qui de nous va mettre en pratique ça? qui de nous en pratique ces conseils-là ? Qui sont tirés du Coran et de la Sunna ? Qui va le mettre ? Que c'est mieux d'intelligent ? Allah m'a jamais dit. Il faut reprendre maintenant la première tranche, de 0 à 7 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faites en sorte que la parole, la première qui parvienne aux oreilles de vos enfants, soit la ilaha illallah. La ilaha illallah. Avant toute chose, Baba ou la ilaha illallah, ton créateur, il faut qu'il enregistre cette parole. Et après, tu lui enseignes à B, au M et le reste. D'abord, tawhid. Le raki zarna, est tawhid. Parce que quand on a la voix solide, tout va. Si ton tawhid est khardan, si ta akhida n'est pas sahiha, si ta abed al-qubur, si ta abed al-awliya, si ta abed al-nujoum, si ta abed al-rusul, si ta abed al-malaika, si ta abed al-jin, on n'a pas besoin de les avoir. Tu es en danger, c'est de nous. Et tu ne parles pas de l'akhir. Tu vas monter sur quel hala. Si tu n'as pas fait ce cas-là, tu vas voir que c'est le chemin est clair. Là, il y a zéro en une, il l'a. Là, il y a zéro en une, il l'a. Seul quelqu'un veut être pire. Il faut le dire à ce chemin. Mais les jours, comme la nuit, le jour, il est clair ce chemin-là. Donc tout comme nous l'avons dit, tout à l'heure, l'enfant naît à l'état pur, fitra. Et durant les premières années de l'enfant, il faut savoir que des longs discours n'auraient aucune importance ou aucun impact sur lui. Deux heures à sept ans, ça ne sert à rien de faire des gros discours avec le petit. Des gros discours, ça ne sert à rien. Parce qu'il a 10 jeux, lui qui lui donne un ballon, qui lui donne un jouet, il est content, c'est ce qu'il veut. Mais 0 à 7 ans. Qu'est-ce que tu peux lui expliquer ? Quand on te dit de lui expliquer le tawhid, ça ne veut pas dire qu'il faut le tawhid al-ruhiyya, c'est ça, le tawhid al-ruhiyya, c'est ça, le tawhid al-malak, non, mais les choses de base, alhamdulillah, yom alaikati, il voit qu'on te dit, mais il va, voilà, c'est trop facile, etc. Merci ça, merci ça. Parce que son mode d'expression, Ali, c'est quoi ? C'est le jeu. Elle a joué avec ma fille. Il joue avec sa fille. Il joue avec son fils. Tu lui vois que t'es là. Tu lui vois que la vie a de l'importance. C'est ça qu'il recherche la partage. Pour ceux qui sont parents, ils vivent cette chose-là. Et pour ceux qui ne le sont pas et qui le seront inchallah bientôt, ils le vivront. Parce que là, l'enfant, il veut jouer. Donc on a dit, son mode d'expression, pour nous, c'est quoi ? C'est le jeu. Surtout durant les toutes premières années, ainsi les parents doivent être les compagnons de jeu de leurs enfants. Père et mère, on ne donne pas que la responsabilité à la mère. Même le père, il doit participer au jeu et à l'éducation des jeux des enfants. Et aussi avant 2 ans, une chose très importante ici, avant 2 ans, donc de 0 à 2 ans à peu près, les enfants ne font aucune différence, ni d'âge, ni de sexe. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vers 2 ans, 1 an et demi, cet âge-là, il n'y a pas la différence entre le sexe. Avec une seule âge, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour lui, tout le monde est comme lui. Il voit son père, il est comme lui. Il voit sa mère, il est comme lui. Non, c'est ça. Et il ne fait pas la différence d'âge. Pour lui, on a tous le même âge. Alors maintenant, si toi, il va devoir mettre une chéchia, il va vouloir mettre la chéchia. S'il veut, il va mettre un pantalon, il va mettre un pantalon. S'il voit sa mère se maquiller, il va dire, oh, oui, moi aussi. Pourquoi il fait aucune différence ? Aucune différence. Pour lui, c'est normal. Après, là, il faut lui expliquer. Il faut dire, non, c'est pas rage. Donc, t'es un garçon. Les garçons ne mettent pas ça. Mais sur le moment, il ne fait pas la différence. Aucune distinction. C'est un point très important. Il y a aussi un autre terrain à exploiter avec eux durant cette tranche d'âge, car il faut savoir qu'ils viennent imiter leurs parents, et tout naturellement, le garçon va imiter son père. Ça, c'est naturel. Le garçon va imiter son père. Il va vouloir ressembler donc à son père. Quant à la petite fille, elle veut ressembler à sa mère. Ça, c'est naturel chez l'enfant. Alors il vient, il t'imite, il est fier, il est content. Quand il lui dit Machallah, il est content. C'est sa fierté que de le voir. Se faire remercier. tu viens ici un petit truc, c'est banal, pour toi c'est banal. Mais pour nous c'est une grande importance. Un exemple, tu lui as fait un sorti-pi dans le seau. À 2 ans, les enfants, il y en a encore qui font pipi dans la couche. Tu lui enlèves la couche, il dit va faire pipi dans le seau. Et tu lui enseignes, tu lui expliques. Un jour il vient comme ça, vas-y, attends. Il s'est fait pipi dans le seau par exemple. Oh, tu lui dis, ma chaleur, oh là, ouais, t'es content, tu l'envoies. C'est ta fierté. Et ça, c'est pas fierté. C'est sa fierté, il est content, mon père, il est content de moi. Là, il est content, c'est la joie. Pourtant, c'est ça. C'est un petit peu quoi, là. Ben, il y a des soeurs, ah, ça lui met en filière, là, c'est quoi ça. Tu vois, des choses comme ça. Quand tu viens, tu fais, ma chaleur. Il vient parler dans une autre chose. Tu fais la prière, il finit. Tu fais, hey, salut, viens refaire la prière. Alors, il ne va pas, tu fermes l'autre balle, il ferme l'autre balle. 2 secondes, hein. Après, il s'en va, il va prendre son ballon, il s'en va. Quand il termine, en fait, il aura dit, ça fait la prière avec papa. Il est content pour lui, il croit que ça y est. Donc, on a dit ici, tout naturellement, les garçons vont vouloir ressembler à son père. Quant à la petite fille, elle veut ressembler à sa mère. Et c'est à cet âge-là qu'on leur apprend la chichia et le hijab. Tu apprends ton fils à cet âge-là de mettre une chichia ou tu apprends ta fille de mettre un hijab à cet âge-là et tu n'apprends pas qu'elle chose différente ou différente comme toi pour lui enseigner toutes ces choses-là. Ça y est, elle grandirait. Mais le chèque barre à la chine, le chèque barre à l'aise. Toi, tu l'as éduqué dès son plus jeune âge. À mettre la chichia, à mettre le tsekani. Et à ta fille, à mettre un petit hijab. Elle grandit avec ça. À l'âge de la puberté, elle te dit, je ne peux pas sortir sans mon hijab, maman. Ah oui. Et si tu te attends, que ta fille arrive à 18 ans, ton fils 20 ans, tu fais bon, allez bien, on va faire la prière. Ah, ouais, c'est ça là. Non, t'as attendu qu'il chose de la même temps que toi, tu dis, c'est trop tard. Ça, c'est le prépar, le train est passé. Après, tu peux que demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, de t'aider. Le prophète, quand il est petit, il vient, c'est ma belle frère. On entend ça dans nos bleds. C'est ma belle frère. Quand on leur enseigne de faire le jeûne, c'est ma belle frère. 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, ah, ma belle frère, 15 ans, ma belle frère, jusqu'à quand, ma belle frère? Jusqu'à ce qu'il vient l'âge de la mort. Quand l'âge de la mort, il vient, ah, il est encore petit. Ah, il a 40 ans, et, ah, il est encore petit. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est qu'Inch'Allah, si Allah, comme on va nous traduire jusqu'à là, et que l'on vit, et qu'on devient grand-père, ça veut dire maintenant, la troisième étape, si loin, on devient grand-père, et qu'on voit nos enfants être pères, pourquoi ton fils et ta fille, c'est toujours ton père et ta fille? C'est toujours ton fils et ta fille. Tu la vois toujours petite et tu vas toujours petit. Avis avec. Il a 40 ans, c'est un homme de famille, un père et tout. Pour toi, c'est encore un gamin dans. C'est comme ça. On n'a pas nous appris comme ça. Tu peux pas faire un petit. C'est pas comme ça qu'ils vont faire. Pas... Comme si tu viens lui faire voir les bonnes manières. Pourquoi que ça, c'est juste, c'est toujours ton fils et tu l'as toujours vu petit. Mais ça, on va en parler dans. Quand on arrive au chapitre de l'éducation. Donc on a dit ici de plus, vous remarquerez qu'il n'est pas rare que les enfants des frères et des sœurs se mettent de temps en temps à faire la prière ou essayer de lire le Coran, tout cela. Donc ils ont compris, hein. C'est pas ça. Tout cela par imitation et amour de leurs parents. Ils disent, c'est pas. Ils ont vu le père prendre un mahraf ou un livre, ils font la même chose. Alors des fois tu vois, il prend le livre, il le prend à l'envers et puis commence à... Il est content. Ça tu viens de dire, mashallah, il y a une mashallah, t'as pas compris. Il est content. Pourquoi? Par amour, c'est tout. Qu'il a vis-à-vis du père et la fille vis-à-vis de l'amour. Car à cet âge-là, la raison n'a pas encore sa place. Il n'a pas encore sa raison pour vivre le jeu. Et tous les faits et gestes de l'enfant sont guidés par l'amour de celui-ci pour ses parents. C'est l'amour qu'il a vis-à-vis de ses parents qui va l'aider à faire ces choses-là. Il faut faire plaisir aux parents. Ainsi, si on demande à l'enfant de donner quelque chose à son père ou à sa mère, il le fera par souci de faire plaisir à ses parents qu'il aime profondément et non parce que c'est un ordre. Si tu lui dis donne-moi ça, il ne va pas te donner parce que tu lui donnes le moins. Il ne va pas le prendre comme un ordre. Il va te donner parce que c'est ça lui fait plaisir. Mais là, il fait un... Surtout quand il est petit, vers 8, 9, 10 mois, il commence un petit peu à comprendre ce qu'il fait. Il tend, et il est content. Mais quand il comprend vers 2 ans, peut-être les choses et tout ce qui se passe, ça lui fait plaisir. Mais cet amour, avant de provenir des enfants, de qui ils doivent provenir? Des parents. Si toi tu leur fais preuve d'amour et tu leur donnes cet amour en bas, c'est la base qui revient dans ton corps. Cet amour sera projeté de nouveau vers toi. De 7 à 14 ans maintenant, on va voir. C'est à cet âge que va débuter la période d'éducation proprement dite. C'est là que l'enfant va apprendre et à commencer à mettre en pratique sa religion, la prière et les jeûnes par exemple. À sa jeune, c'est ce qu'il lui est demandé. Il peut demander autre chose. La prière et les jeûnes. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith qui nous enseigne, ordonnez à vos enfants de mettre en pratique la prière lorsqu'ils atteignent leur septième année et contraignez-les à la faire lorsqu'ils atteignent l'âge de 10 ans. Donnez-leur aussi à cet âge-là de lui séparer. Ça y est, le garçon à part, la fille à part. Avant cet âge-là, non. Mais après 7 ans, c'est fini. Après 10 ans. Après 10 ans, c'est fini. Tu sépares même les chambres s'il faut. Donc, ici, qu'est-ce qu'on comprend ?